Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Thank you. Ce matin, nous avons vu que metta, selon l'Abhidhamma, signifie sourire et deuxièmement amour. D'un point de vue pratique, metta veut dire partager, soutenir, venir en aide. Et lorsqu'on dit que metta veut dire partager, soutenir, offrir, il s'agit de faire tout cela à un niveau très pratique, très concret, physiquement, matériellement, par la parole et par l'esprit. Et lorsqu'on dit que c'est offrir quelque chose de matériel, il s'agit par exemple de petits cadeaux qu'on pourrait se faire l'un à l'autre. Lorsqu'on fête l'anniversaire de quelqu'un, on lui fait un cadeau, les parents font des cadeaux à leurs enfants, etc. Il y a aussi les bénévoles à la cuisine qui font ce travail sans attendre rien en retour. C'est du pur metta. Ce ne sont pas des serviteurs, ce sont des personnes qui offrent leur service et leur temps aux méditants. Metta peut se constater un petit peu partout, par exemple dans les parcs, le long des rivières, autour des lacs, on voit des enfants ou des familles qui donnent à manger aux animaux, aux poissons, aux oiseaux. Tout cela, ce sont des manifestations de metta. Il y a beaucoup d'exemples de paroles qui sont prononcées avec metta. Par exemple, lorsqu'on enseigne, lorsqu'on prêche, lorsqu'on informe des gens à propos de toutes sortes de choses dans la rue, à l'hôpital, toutes ces informations qui sont données verbalement sont des manifestations de metta. Metta peut se pratiquer à un niveau physique, nous en avons parlé, à un niveau verbal, nous en avons parlé, mais aussi à un niveau mental. Ici, lorsque vous participez à une retraite comme celle-ci, vous allez pratiquer metta au niveau mental. Vous introduisez en vous des pensées positives, ceci va vous rendre très paisible et vous allez alors faire partager aux autres cette paix que vous ressentez. Ceci se passe sur le principe de la télépathie. Ce n'est pas certain que les gens auxquels vous pensez vont recevoir ces vibrations positives, mais ce qui est certain, c'est que vous allez emmagasiner de plus en plus de paix et de bonheur à l'intérieur de vous par cette pratique. Et dans la vie de tous les jours, vous devez également introduire la pratique de metta. Lorsque vous pratiquez par exemple vipassana, vous devez consacrer 10 minutes au moins à la pratique de metta à la fin de votre méditation vipassana. Vous devez donc développer ces deux méditations conjointement. Je suis moine bouddhiste, mais j'ai parfois beaucoup d'occupations et il ne m'est pas toujours possible de pratiquer la méditation pendant la journée. Avant de m'endormir, je pratique metta. Je repense aux actions positives que j'ai faites au cours de la journée. Je me sens heureux de les avoir faites et je fais partager alors aux autres le bonheur que je ressens. Je transfère ces bonnes actions aux autres. Je souhaite à tous les êtres d'être heureux et en paix. Comme le veut la formule Pali, Sabbe Sata Sukhita Hontu. Ceci est très court, mais très efficace. Et grâce à ces pensées positives que j'envoie à ce moment-là, je m'endors très facilement. Nous avons déjà expliqué, dans une certaine mesure, en quoi consiste metta, quelles étaient les formes de metta, comment pratiquer metta, quel est le but de metta. Il faut comprendre que la pratique de metta va avoir pour effet de diminuer l'ego, et finalement de le détruire complètement. Nous allons par cette pratique diminuer progressivement les doses de colère et d'attachement qui sont enfouies à l'intérieur de nous. En pali, la colère se dit dosa et l'attachement se dit loba. Donc il n'y a pas que la méditation vipassana qui va nous permettre de diminuer l'attachement et la colère. La pratique de metta va également nous permettre d'y arriver. Please repeat after me. Kaya kamma metta. Kaya kamma metta. Vachi kamma metta. Vachi kamma metta. Manokama Mita. Manokama Mita. Again. Kaya Kama Mita. Kaya Kama Mita. Vachi Kama Mita. Vachi Kama Mita. Manokama Mita. Manokama Mita. Thank you. Kaya veut dire le corps. Donc, Kaya Kama Mita, c'est le méta physique. Vasi kama metta, c'est le metta par l'action vocale. Et mano kama metta, c'est le metta par l'esprit. Ok. Dans quel but pratiquons-nous metta? Nous le pratiquons pour introduire en nous la paix, l'harmonie, mais pas seulement en nous, dans la société également. Voyons maintenant à la page 17. We already studied the first paragraph. Now let's go to the second paragraph. Okay? Together. Mama mata bidu acariya ja nyadi meida ja sabramachari no ja awira hundu Abhyabhaja hontu, Aniya hontu, Sukhiyatanam Pariharantu. Once more. Mama mata bidu, Acharya cha, Nyati mita cha, Sabramachari no cha, Avira hontu, Abhyabhaja hontu, Aniya hontu, Sukhiyatanam Pariharantu. Yes, in French, translation. Puissent mes parents, mes professeurs, mes amis, mes compagnons de route spirituelle être libres de l'inimitié et du danger. Puissent-ils être libres de la souffrance mentale. Puissent-ils être libres de la souffrance physique. Puissent-ils être heureux et en bonne santé. Il s'agira donc d'envoyer notre méta physique, notre méta verbal et notre méta mental à toutes ces catégories d'êtres. Donc pour ce qui est des parents, la première catégorie de personnes, il s'agira de leur donner, de leur faire des cadeaux, de leur dire des paroles agréables et de leur envoyer des pensées positives. Dans le bouddhisme, on rend hommage et on respecte le Bouddha, le Dhamma, la Sangha, ça c'est fort compréhensible, mais sur le même pied que le Bouddha, le Dhamma, la Sangha, il y a les parents et les professeurs, ce sont nos bienfaiteurs. Si nous ne sommes pas bouddhistes, nous pouvons très bien oublier le Bouddha, le Dhamma et la Sangha, mais les parents et les professeurs, nous devons y penser. Nos parents, par exemple, sont nos bienfaiteurs par excellence. C'est grâce à nos parents que nous occupons la position qui est la nôtre actuellement, que nous sommes bien physiquement, mentalement. Nous avons une dette de reconnaissance envers nos parents. En général, les parents aident leurs enfants de toutes sortes de façons. Il ne faut pas oublier les parents. On peut dire qu'on va aider nos enfants à 90% et il faudrait idéalement consacrer 10% aux parents, au moins 10%. Et il faudra aider les parents de ces trois façons par l'action physique, l'action vocale et l'action mentale. On comprend facilement qu'on ait une dette de gratitude envers nos parents, mais qu'en est-il des professeurs? Ici, les professeurs bien souvent reçoivent un salaire, sont payés pour le travail qu'ils font, et donc on pourrait se demander en effet pourquoi il leur faudrait leur témoigner de la gratitude. Mais dans le bouddhisme, il faut savoir que tout repose sur le don. Bhante, par exemple, est au monastère depuis l'âge de 10 ans. Il a été pris en charge par ses professeurs qui lui ont tout donné. Ils lui ont donné ce qu'il lui fallait au point de vue physique, au point de vue mental. Ils l'ont éduqué. ses professeurs se sentaient responsables de lui, de son éducation, exactement comme s'ils étaient ses parents. Et ils l'ont fait gratuitement, sans rien attendre en retour, avec un pur metta. Il faut donc qu'il leur témoigne de la reconnaissance. Ensuite vient encore une autre catégorie de personnes. En pali, on dit Nyati Mita. Ce sont nos proches, nos parents, je veux dire les gens qui font partie de notre famille, qui par moment vont peut-être aussi nous venir en aide. Nous ne devons donc pas les oublier non plus. Et encore une autre catégorie de personnes, les compagnons de route. Ce sont ces personnes qui participent avec nous à cette retraite. Ce sont des personnes qui, après quelques jours, vont devenir nos compagnons de route. Il faut qu'il y ait entre toutes ces personnes une certaine harmonie. Il faut que Metta soit présente pour que l'atmosphère soit agréable et harmonieuse. Lorsqu'on parle des Sabrahmacharino, ce sont donc toutes les personnes qui ont un esprit d'entraide. Il ne s'agit pas uniquement des bénévoles ou des méditants pendant cette retraite, mais de tous ceux qui se montrent coopérants et animés d'un désir d'aider les autres, que ce soit ici ou ailleurs dans la société. Pour ce qui est de Sabbe Yogino, là il s'agit plus précisément de tous les méditants. La catégorie suivante, c'est Sabbe Yogino, tous les yogis. Voyons le terme yogino. Vous connaissez tous, bien sûr, le yoga. C'est très populaire ici en Occident. Yoga veut dire exercice, pratique. Le yogi, c'est celui qui fait cet exercice, qui s'adonne à cette pratique. La méditation, c'est un exercice, c'est une pratique, et donc ceux qui la mettent en application, ce sont des yogis. Yogi, c'est le singulier, yogino, c'est le pluriel. Ok, please chant this paragraph. Imasmi arami savi yogino avira hantu Aya vaja huntu, aniga huntu, sugiyatanam parihantu. Once more. Imasame arami savi yogino, avira huntu, aya vaja huntu, aniga huntu, sugiyatanam. Okay, next paragraph, chant it together. Imasme arami savi bhikkhu samniraja ubasaka ubasikayocha avirahundu abhyabhajahundu anigahundu sukhiyatanam. Yes, in French translation. Puissent tous les méditants de ce lieu être libres de l'inimitié et du danger. Puissent-ils être libres de la souffrance mentale. Puissent-ils être libres de la souffrance physique. Puissent-ils être heureux et en bonne santé. Puissent les moines, les novices de ce lieu, tous les disciples laïcs, hommes et femmes, être libres de l'inimitié et du danger, puissent-ils être libres de la souffrance mentale, puissent-ils être libres de la souffrance physique, puissent-ils être heureux et en bonne santé. Il faut savoir que dans les centres de méditation ou dans les monastères en Asie, il y a beaucoup de monde, il y a non seulement des moines, des nonnes, mais il y a aussi des novices, des disciples laïcs, des disciples masculins, féminins. Il faut envoyer Metta à tous ces gens. Bhante raconte une histoire qui se passait au centre Mahasi, en Birmanie. C'est un centre de méditation, donc en principe il n'y a que de la méditation à cet endroit, mais en décembre, c'est là qu'ont lieu les examens les plus longs de l'année. Ce sont des examens qui portent sur le Tipitaka, le canon Pali. Les examens oraux durent une vingtaine de jours, les examens écrits durent une dizaine de jours. C'est donc très long. Il faut savoir qu'en Birmanie, il y a les centres de méditation et il y a les centres d'études. Ce sont deux façons différentes de pratiquer l'enseignement du Bouddha. Mais ces centres sont souvent en rivalité parce qu'ils ont des méthodes différentes, des disciplines un peu différentes, et tout ça fait qu'ils se disputent parfois, ils sont chacun persuadés qu'ils sont les meilleurs. Et donc, dans ces centres, il y a des garçons qui ont la responsabilité, disons, de maintenir l'ordre et d'éviter les disputes. Bente les appelle les vachers, comme ceux qui surveillent les vaches, de façon à ce qu'il n'y ait pas trop de remous. Et donc, au centre Mahasi, les deux écoles sont réunies à une certaine période de l'année. Il y a à la fois des moines érudits et des moines pratiquants de la méditation. Les moines érudits, à la fin des examens, rentrent chez eux. Et puis, les moines qui méditent restent dans le centre. À ce moment-là, l'abbé du centre donne la permission à son vacher de rentrer chez lui. On n'a plus besoin de lui, puisque les deux écoles sont séparées. Donc, il renvoie son vacher, mais il lui demande de laisser les vaches à cet endroit. Et donc, ceci veut simplement dire que ces moines érudits qui se limitent à l'étude théorique, qui apprennent beaucoup de choses en théorie à propos de l'enseignement du Bouddha, exagèrent parfois, c'est un peu stérile. Et donc, lorsqu'ils se trouvent pendant un certain temps mêlés aux moines méditants, et qu'ils essayent de se comprendre mutuellement, de se montrer tolérants l'un vis-à-vis de l'autre, finalement il y a une atmosphère de sympathie qui s'installe, et tout ceci indique que metta est présente. Mais en fait, ceci était vrai il y a une trentaine d'années. À l'époque, ces deux groupes étaient vraiment distincts l'un de l'autre. Il y avait ceux qui étudiaient et qui se contentaient d'étudier la théorie, et il y avait ceux qui pratiquaient la méditation. Mais actuellement, ce n'est plus le cas. Moi-même, j'ai commencé par étudier les Écritures. J'ai donc passé beaucoup de temps à l'étude théorique. Après avoir obtenu mes diplômes, je me suis rendu au centre Mahasi pour pratiquer la méditation. Et donc, c'est de cette façon-là que se passe l'éducation monastique actuellement en Birmanie. Les moines passent de l'étude théorique à la pratique de la méditation. Pariyatti, la théorie, et Patipatti, la pratique, se développe donc conjointement. Puissent les donateurs des quatre soutiens, vêtements, nourriture, médicaments et abris, être libres de l'inimitié et du danger, puissent-ils être libres de la souffrance mentale, puissent-ils être libres de la souffrance physique, puissent-ils être heureux et en bonne santé. Alors, le paragraphe qu'on vient de lire concerne tout spécialement les moines et les novices bouddhistes. Les moines et les novices quittent leur famille, ils quittent le monde et se consacrent donc entièrement à la vie monastique. Ce qui veut dire qu'ils n'ont plus le droit de gagner de l'argent et ils ne peuvent survivre que grâce à l'aide des laïcs. Les laïcs sont comme leurs parents, qui vont leur fournir tout ce dont ils ont besoin, à commencer par les vêtements, la nourriture, les médicaments et les abris. En réalité, les laïcs surviennent à l'entièreté de leurs besoins. Il est donc indispensable que les moines et les novices envoient leur metta, leur gratitude, à ces personnes qui leur permettent de survivre. Mais ceci ne concerne pas vraiment que les moines et les novices, cela concerne aussi les méditants qui sont en retraite. Car dès le moment où vous êtes en retraite, occupé à pratiquer la méditation bouddhiste, vous êtes assimilé aux bhikkhus, vous êtes des moines et des moniales. Vous aussi, vous bénéficiez de l'aide et du soutien de laïcs, comme ce matin Louis qui a offert le petit déjeuner. Et ce midi, Pascal qui a offert le repas de midi. Nous allons envoyer notre metta non seulement aux humains ou aux animaux, les êtres que l'on peut voir, mais également aux esprits, aux déités gardiennes de ces lieux. vous ne les voyez pas, mais en réalité, ils sont partout. Hier, avant d'entamer la cérémonie d'ouverture de la retraite, j'ai invité ces déités gardiennes à prendre part à la cérémonie. J'ai invité non seulement ceux qui vivent à proximité, mais également ceux qui vivent beaucoup plus loin. Je les ai tous invités à se joindre à nous pour garder les méditants au cours de leur retraite. Nous devons donc prendre l'habitude d'envoyer metta à ces êtres-là également. Amagam aregadi vada imasme vihare imasme avasi imasme arami aregadi vada avira hundu avyavaja hundu anira hundu sukhiyatana parihantu. Once more, amagam arekadi vata imasame vihara imasame avasi imasame arami arekadi vata avira hundu avyavaja hundu anira hundu sukhiyatana parihantu. En French. Puisse les déités gardiennes de ce temple, de cette demeure, de ce lieu, être libres de l'inimitié et du danger, puissent-elles être libres de la souffrance mentale, puissent-elles être libres de la souffrance physique, puissent-elles être heureuses et en bonne santé. Yeah. Thank you very much. Yeah.